Chapitre 5. Danger et inutilité de l'athéisme. Il y a deux sortes d'athées bien distinctes. Les premiers, conséquents dans leurs principes, déclarent sans hésiter qu'il n'y a point de Dieu. Par conséquent, point de différence essentielle entre le bien et le mal. Que le monde appartient aux plus forts et aux plus habiles, etc. Les seconds sont les honnêtes gens de l'athéisme, les hypocrites de l'incrédulité. Absurdes personnages qui, avec une douceur feinte, se porteraient à tous les excès pour soutenir leur système. Ils vous appelleraient « mon frère » en vous égorgeant. Les mots de morale et d'humanité sont incessamment dans leur bouche. Ils sont triplement méchants, car ils joignent au vice de l'athée l'intolérance du sectaire et l'amour-propre de l'auteur. Ces hommes prétendent que l'athéisme ne détruit ni le bonheur ni la vertu, qu'il n'y a point de condition où il ne soit aussi profitable d'être incrédule que d'être religieux. C'est ce qu'il convient d'examiner. Si une chose doit être estimée en raison de son plus ou moins d'utilité, l'athéisme est bien méprisable, car il n'est bon à personne. Parcourons la vie humaine. Commençons par les pauvres et les infortunés, puisqu'ils font la majorité sur la terre. Eh bien, innombrables familles des misérables, est-ce à vous que l'athéisme est utile? Répondez. Quoi? Pas une voix? Pas une seule voix? J'entends un cantique d'espérance et des soupirs qui montent vers le Seigneur. Ceux-ci croient. Passons aux heureux. Il nous semble que l'homme heureux n'a aucun intérêt à être athée. Il est si doux pour lui de songer que ses jours se prolongeront au-delà de la vie. Avec quel désespoir ne quitterait-il pas ce monde s'il croyait se séparer pour toujours du bonheur? En vain, tous les biens du siècle s'accumuleraient sur sa tête. Ils ne serviraient qu'à lui rendre le néant plus affreux. Le riche peut aussi se sentir assuré que la religion augmentera ses plaisirs, en y mêlant une tendresse ineffable. Son cœur ne s'endurcira point. Il ne sera point rassasié par la jouissance, inévitable écueil des longues prospérités. La religion prévient la sécheresse de l'âme. C'est ce que voulait dire cette huile sainte avec laquelle le christianisme consacrait la royauté, la jeunesse et la mort pour les empêcher d'être stériles. Le guerrier s'avance au combat. Sera-t-il athée, cet enfant de la gloire? Celui qui cherche une vie sans fin consentira-t-il à finir? Paraissez sur vos nues tonnantes, innombrables soldats, antiques légions de la patrie, fameuses milices de la France, et maintenant milices du ciel, paraissez, dites aux héros de notre âge, du haut de la cité sainte, que le brave n'est pas tout entier au tombeau, et qu'il reste après lui quelque chose de plus qu'une vaine renommée. Les grands capitaines de l'Antiquité ont été remarquables par leur religion. Épaminondas, libérateur de sa patrie, passait pour le plus religieux des hommes. Xénophon, ce guerrier philosophe, était le modèle de la piété. Alexandre, éternel exemple des conquérants, se disait fils de Jupiter. Chez les Romains, les anciens consuls de la République, Cincinnatus, Fabius, Papirius Cursor, Paul Émile, Scipion, ne mettaient leur espérance que dans la divinité du Capitole. Pompée marchait au combat en invoquant l'assistance divine. César voulait descendre d'une race céleste. Caton, son rival, était convaincu de l'immortalité de l'âme. Brutus, son assassin, croyait aux puissances surnaturelles. Et Auguste, son successeur, ne régna qu'au nom des dieux. Parmi les nations modernes, était-ce un incrédule que ce fier Sicambre, vainqueur de Rome et des Gaules, qui, tombant aux pieds d'un prêtre, jetait les fondements de l'Empire français? Était-ce un incrédule que ce Saint-Louis, arbitre des rois et révéré même des infidèles? Du Guesclin, dont le cercueil prenait des villes? Bayard, chevalier sans peur et sans reproche? Le vieux connétable de Montmorency qui disait son chapelet au milieu des camps? Étaient-ils des hommes sans foi? Ô temps plus merveilleux encore, où un Bossuet ramenait un Turenne dans le sein de l'Église. Il n'est point de caractère plus admirable que celui du héros chrétien. Le peuple qu'il défend le regarde comme son père. Il protège le laboureur et les moissons. Il écarte les injustices. C'est une espèce d'ange de la guerre que Dieu envoie pour adoucir ce fléau. Les villes ouvrent leurs portes au seul bruit de sa justice. Les remparts tombent devant ses vertus. Il est l'amour du soldat et l'idole des nations. Il mêle au courage du guerrier la charité évangélique. Sa conversation touche et instruit. Ses paroles ont une grâce de simplicité parfaite. On est étonné de trouver tant de douceur dans un homme accoutumé à vivre au milieu des périls. Ainsi le miel se cache sous l'écorce d'un chêne qui a bravé les orages. Concluons que sous aucun rapport, l'athéisme n'est bon aux guerriers. Nous ne voyons pas qu'il soit plus utile dans les états de la nature que dans les conditions de la société. Si la morale porte tout entière sur le dogme de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme, un père, un fils, des époux n'ont aucun intérêt à être incrédules. Et comment, par exemple, concevoir qu'une femme puisse être athée? Qui appuiera ce roseau si la religion n'en soutient la fragilité? Être le plus faible de la nature, toujours à la veille de la mort ou de la perte de ses charmes, qui le soutiendra, cet être qui sourit et qui meurt, si son espoir n'est point au-delà d'une existence éphémère? Par le seul intérêt de sa beauté, la femme doit être pieuse. Douceur, soumission, aménité, tendresse sont une partie des charmes que le Créateur prodigua à notre première mère. Et la philosophie est mortelle à cette sorte d'attrait. La femme, qui a naturellement l'instinct du mystère, qui prend plaisir à se voiler, qui ne découvre jamais qu'une moitié de ses grâces et de sa pensée, qui peut être devinée, mais non connue, qui, comme mère et comme vierge, est pleine de secrets, qui séduit surtout par son ignorance, qui fut formée pour la vertu et le sentiment le plus mystérieux, la pudeur et l'amour. Cette femme, renonçant au doux instinct de son sexe, ira d'une main faible et téméraire chercher à soulever l'épais rideau qui couvre la divinité. À qui pense-t-elle plaire par cet effort sacrilège? Croit-elle, en joignant ses ridicules blasphèmes et sa frivole métaphysique aux imprécations des Spinoza et aux sophismes des Bayle, nous donner une grande idée de son génie? Sans doute, elle n'a pas dessein de se choisir un époux. Quel homme de bon sens voudrait s'associer à une compagne impie? L'épouse incrédule a rarement l'idée de ses devoirs. Elle passe ses jours ou à raisonner sur la vertu sans la pratiquer, ou à suivre ses plaisirs dans le tourbillon du monde. Sa tête est vide, son âme creuse. L'ennui la dévore. Elle n'a ni Dieu ni soin domestique pour remplir l'abîme de ses moments. Le jour vengeur approche, le temps arrive, menant la vieillesse par la main. Le spectre, aux cheveux blancs, aux épaules voûtées, aux mains de glace, s'assied sur le seuil du logis de la femme incrédule. Elle l'aperçoit et pousse un cri. Mais qui peut entendre sa voix? Est-ce un époux? Il n'y en a plus pour elle. Depuis longtemps, il s'est éloigné du théâtre de son déshonneur. Sont-ce des enfants? Perdus par une éducation impie et par l'exemple maternel, se soucient-ils de leur mère? Si elle regarde dans le passé, elle n'aperçoit qu'un désert, où ses vertus n'ont point laissé de traces. Pour la première fois, sa triste pensée se tourne vers le ciel. Elle commence à croire qu'il eût été plus doux d'avoir une religion. Regret inutile. La dernière punition de l'athéisme dans ce monde est de désirer la foi sans pouvoir l'obtenir. Quand, au bout de sa carrière, on reconnaît les mensonges d'une fausse philosophie, quand le néant, comme un astre funeste, commence à se lever sur l'horizon de la mort, on voudrait revenir à Dieu, et il n'est plus temps. L'esprit, abruti par l'incrédulité, rejette toute conviction. Oh, qu'alors la solitude est profonde, lorsque la divinité et les hommes se retirent à la fois. Elle meurt, cette femme, elle expire entre les bras d'une garde payée ou d'un homme dégoûté par ses souffrances, qui trouve qu'elle a résisté au mal bien des jours. Un chétif cercueil renferme toute l'infortunée. On ne voit à ses funérailles ni une fille échevelée, ni des gendres et des petits-fils en pleurs. Digne cortège qui, avec la bénédiction du peuple et le chant des prêtres, accompagne au tombeau la mère de famille. Peut-être seulement un fils inconnu qui ignore le honteux secret de sa naissance rencontre par hasard le convoi. Il s'étonne de l'abandon de cette bière et demande le nom du mort à ceux qui vont jeter au ver le cadavre qui leur fut promis par la femme athée. Que différent est le sort de la femme religieuse! Ses jours sont environnés de joie, sa vie est pleine d'amour, son époux, ses enfants, ses domestiques la respectent et la chérissent. Tous reposent en elle une aveugle confiance, parce qu'ils croient fermement à la fidélité de celle qui est fidèle à son Dieu. La foi de cette chrétienne se fortifie par son bonheur, et son bonheur par sa foi. Elle croit en Dieu parce qu'elle est heureuse, et elle est heureuse parce qu'elle croit en Dieu. Il suffit qu'une mère voie sourire son enfant pour être convaincue de la réalité d'une félicité suprême. La bonté de la Providence se montre tout entière dans le berceau de l'homme. Quels accords touchants! Ne seraient-ils que les effets d'une insensible matière? L'enfant naît, la mamelle est pleine. La bouche du jeune convive n'est point armée, de peur de blesser la coupe du banquet maternel. Il croit, le lait devient plus nourrissant. On le sèvre, la merveilleuse fontaine tarit. Cette femme si faible a tout à coup acquis des forces qui lui font surmonter des fatigues que ne pourrait supporter l'homme le plus robuste. Qu'est-ce qui la réveille au milieu de la nuit, au moment même où son fils va demander le repas accoutumé? D'où lui vient cette adresse qu'elle n'avait jamais eue? Comme elle touche cette tendre fleur sans la briser? Ses soins semblent être le fruit de l'expérience de toute sa vie. Et cependant, c'est là son premier-né. Le moindre bruit épouvantait la Vierge. Où sont les armées, les foudres, les périls qui feront pâlir la mère? Jadis, il fallait à cette femme une nourriture délicate, une robe fine, une couche molle. Le moindre souffle de l'air l'incommodait. À présent, un pain grossier, un vêtement de bure, une poignée de paille, la pluie et les vents ne lui importent guère, tandis qu'elle a dans sa mamelle une goutte de lait pour nourrir son fils, et dans ses haillons un coin de manteau pour l'envelopper. Tout étant ainsi, il faudrait être bien obstiné pour ne pas embrasser le parti où non seulement la raison trouve le plus grand nombre de preuves, mais où la morale, le bonheur, l'espérance, l'instinct même et les désirs de l'âme nous portent naturellement. Car s'il était vrai, comme il est faux, que l'esprit tint la balance égale entre Dieu et l'athéisme, encore est-il certain qu'elle pencherait beaucoup du côté du premier. Outre la moitié de sa raison, l'homme met de plus dans le bassin de Dieu tout le poids de son cœur. On sera convaincu de cette vérité si l'on examine la manière dont l'athéisme et la religion procèdent dans leurs démonstrations. La religion ne se sert que de preuves générales. Elle ne juge que sur l'ordonnance des cieux, sur les lois de l'univers. Elle ne voit que les grâces de la nature, les instincts charmants des animaux et leur convenance avec l'homme. L'athéisme ne vous apporte que de honteuses exceptions. Il n'aperçoit que des désordres, des marais, des volcans, des bêtes nuisibles. Et, comme s'il cherchait à se cacher dans la boue, il interroge les reptiles et les insectes pour lui fournir des preuves contre Dieu. La religion ne parle que de la grandeur et de la beauté de l'homme. L'athéisme a toujours la lèpre et la peste à vous offrir. La religion tire ses raisons de la sensibilité de l'âme, des plus doux attachements de la vie, de la piété filiale, de l'amour conjugal, de la tendresse maternelle. L'athéisme réduit tout à l'instinct de la bête. Et pour premier argument de son système, il vous étale un cœur que rien ne peut toucher. Enfin, dans le culte du chrétien, on nous assure que nos maux auront un terme. On nous console, on essuie nos pleurs, on nous promet une autre vie. Dans le culte de l'athée, les douleurs humaines font fumer l'encens. La mort est le sacrificateur, l'autel un cercueil, et le néant la divinité. Chapitre 6. Fin des dogmes du christianisme. État des peines et des récompenses dans une autre vie. Élysée antique, etc. L'existence d'un être suprême, une fois reconnu, et l'immortalité de l'âme accordée, il n'y a plus, quant au fond, de difficulté à admettre un état de récompense et de châtiment après cette vie. Les deux premiers dogmes entraînent de nécessité le troisième. Il ne s'agit donc que de faire voir combien celui-ci est moral et poétique dans les opinions chrétiennes, et combien la religion évangélique se montre encore ici supérieure à tous les cultes de la terre. Dans l'Élysée des anciens, on ne trouve que des héros et des hommes qui avaient été heureux ou éclatants dans le monde. Les enfants, et apparemment les esclaves et les hommes obscurs, c'est-à-dire l'infortune et l'innocence, étaient relégués aux enfers. Et quelle récompense pour la vertu que ces banquets et ces danses, dont l'éternelle durée suffirait pour en faire un des tourments du Tartare. Mahomet promet d'autres jouissances. Son paradis est une terre de musc et de la plus pure farine de froment, qu'arrose le fleuve de vie et l'Aquatar, rivière qui prend sa source sous les racines du Tuba ou l'arbre du bonheur. Des fontaines, dont les grottes sont d'ambre gris et les bords d'aloès, murmurent sous des palmiers d'or. Sur les rives d'un lac quadrangulaire reposent mille coupes faites d'étoiles, dont les âmes prédestinées se servent pour puiser l'onde. Les élus, assis sur des tapis de soie à l'entrée de leur tente, mangent le globe de la terre, transformé par Allah en un merveilleux gâteau. Des eunuques et 72 filles, aux yeux noirs, leur servent dans 300 plats d'or le poisson Noun et les côtes du buffle Balaam. L'ange Israfil chante de beaux cantiques. Les houris mêlent leur voix à ces concerts, et les âmes des poètes vertueux, retirées dans la glotte de certains oiseaux qui voltigent sur l'arbre du bonheur, accompagnent le cœur céleste. Cependant, des cloches de cristal, suspendues aux palmiers d'or, sont mélodieusement agitées par un vent sorti du trône de Dieu. Les joies du ciel des Scandinaves étaient sanglantes. Mais il y avait de la grandeur dans les plaisirs attribués aux ombres guerrières. Elles assemblaient les orages et dirigeaient les tourbillons. Ce paradis était le résultat du genre de vie que menait le barbare du Nord. Errant sur des grèves sauvages et prêtant l'oreille à cette voix qui sort de l'océan, il tombait peu à peu dans la rêverie. Égaré de pensée en pensée, comme les flots de murmure en murmure, dans le vague de ses désirs. Il se mêlait aux éléments, montait sur les nues fugitives, balançait les forêts dépouillées et volait sur les mers avec les tempêtes. Les enfers des nations infidèles sont aussi capricieux que leur ciel. Nous parlerons du Tartare dans la partie littéraire de notre ouvrage, où nous allons entrer à l'instant. Quoi qu'il en soit, les récompenses que le christianisme promet à la vertu et les châtiments qu'il annonce au crime se font reconnaître au premier coup d'œil pour les véritables. Le ciel et l'enfer des chrétiens ne sont point imaginés d'après les mœurs particulières d'un peuple, mais ils sont fondés sur des idées générales qui conviennent à toutes les nations et à toutes les classes de la société. Écoutez ce qu'il y a de plus simple et de plus sublime en quelques mots. Le bonheur du juste consistera, dans l'autre vie, à posséder Dieu avec plénitude. Le malheur de l'impie sera de connaître les perfections de Dieu et d'en être à jamais privé. On dira peut-être que le christianisme ne fait que répéter ici les leçons des écoles de Platon et de Pythagore. On convient donc, au moins, que la religion chrétienne n'est pas la religion des petits esprits, puisqu'on avoue que ses dogmes sont ceux des sages. En effet, les gentils reprochaient aux premiers fidèles de n'être qu'une secte de philosophes. Mais fut-il certain, ce qui n'est pas prouvé, que l'Antiquité eut, touchant un état futur, les mêmes notions que le christianisme ? Autre est toutefois une vérité renfermée dans un petit cercle de disciples choisis, autre une vérité qui est devenue la manne commune du peuple. Ce que les beaux génies de la Grèce ont trouvé par un dernier effort de la raison s'enseigne publiquement au carrefour de nos cités, et le manœuvre peut acheter pour quelques deniers, dans le catéchisme de ses enfants, les secrets les plus sublimes des sectes antiques. Nous ne dirons rien à présent du purgatoire parce que nous le considérons ailleurs sous ses rapports moraux et poétiques. Quant au principe qui établit ce lieu d'expiation, il est fondé sur la raison même, puisqu'il y a un état de tiédeur entre le vice et la vertu qui ne mérite ni les peines de l'enfer ni les récompenses du ciel.